Les Dépravés, chapitre 19. Après avoir fermé la lettre où elle avertissait son collègue et ami Piètremont de la présence probable de Max à la réunion de la rue Saint-Maur-Pompincourt, Esther avait dit à sa bonne « Je vais demander à dîner à Frédéric. » Frédéric était une des éventualités féminines sur lesquelles Esther avait tablé pour accompagner Max dans le voyage de consolation qu'on lui préparait. Fille d'un officier russe tué en Crimée, Frédéric avait épousé à 17 ans un négociant en fourrure établi à Odessa. Dans les fréquentes allées et venues de son mari, qu'elle accompagnait souvent à Paris, elle s'était perfectionnée dans la langue française, qu'elle avait fini par parler couramment, ce dont le négociant Pizarev était très fier. Il l'avait épousée sans dot, pour sa beauté. Mais comme il n'était lui-même ni jeune, ni particulièrement séduisant, il se considérait encore comme son obligé. C'est pourquoi Frédéric n'avait mis aucun scrupule à lui faire payer cher son obligeance. Certains ménages sont une variété du partage de Montgomery. Tandis que la femme entasse les robes dans ses armoires et les mouchoirs de dentelle dans ses nécessaires, le mari porte des gilets déchirés aux poches et des cravates limées aux plis. L'épouse devient alors pour l'époux une sorte de chapelle ardente aux parois de laquelle il dépose, comme des ex-voto, toutes les superfluités dont il se prive lui-même. Frédéric, tout en se laissant décorer comme une statue, en avait gardé la froideur. Chez quelques natures privilégiées, la lame use le fourreau. Chez d'autres, le fourreau protège la lame. Madame Pizarev semblait à jamais fortifiée contre les entraînements d'une passion quelconque par la cuirasse de Frimat qui défendait son tempérament lymphatique. Toutes les étincelles pouvaient tomber sans danger d'explosion sur cette poudre mouillée. L'amour que les plus sceptiques consentent à admettre, tout au moins, comme l'échange de deux sensations, était pour elle une corvée. La situation embarrassée d'une grande maison dans laquelle le bon Pizarev avait engagé la plus grosse partie de sa fortune, ayant nécessité son départ subit pour l'Allemagne, il n'avait pas hésité à laisser dans Paris, où il se trouvait alors avec elle, sa femme seule pendant les 15 jours dont il avait besoin. Il monta en chemin de fer, parfaitement confiant dans l'incurable placidité de Frédéric. C'est un dicton généralement répandu, que la froideur physique est pour une femme une garantie de sa bonne conduite. Ce calcul n'aurait pas été nombre de fois démenti par les faits, qu'il le serait par le raisonnement. La femme passionnée cède par passion, la femme froide cède par lassitude, par insouciance, quelquefois même par générosité. La chute pour une âme ardente qui en prévoit les émotions, les transports, les enivrements et consécutivement les douleurs est une initiation solennelle, presque sacrée, devant laquelle elle recule avec quelque effroi. Cet homme qui est aujourd'hui un étranger pour toi, vas-tu donc le rendre témoin et le confident de sensations inénarrables, de crises insensées, d'extravagances involontaires? Ne peut s'empêcher de crier la pudeur alarmée dans l'oreille de celle qui sent approcher l'heure où elle va se donner tout entière. En revanche, la créature a sang-froid, qu'aucun courant magnétique ne sollicite et qu'aucun baiser ne brûle, a d'autant moins d'énergie pour la lutte qu'elle accorde moins d'importance aux conséquences de la défaite. Non seulement elle ne peut s'habituer à se reprocher comme un crime ce qui la laisse indifférente, mais elle a quelque peine à se croire plus engagée après qu'avant ce prétendu abandon dans lequel elle ne s'abandonne jamais. La fidélité lui paraît un tel enfantillage que la vertu ne lui semble qu'une convention. Comment, se dit-elle à chaque faiblesse nouvelle, voilà ce dont les hommes sont jaloux. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Les 15 jours demandés par le mari de Frédéric s'allongèrent en 3 longs mois, au bout desquels il revint à Paris, annoncer à sa femme que la faillite de la grande maison de Berlin entraînerait peut-être la sienne. Frédéric avait, pendant ces 3 mois de solitude, commandé 2 robes par mois, acheté 3 parures de 3 000 francs chaque et 4 douzaines de chemises garnies d'interminables mètres de point d'Alençon. Quand le désolé Pizarev la supplia de vouloir bien décommander les 2 tiers de cette cargaison, Frédéric demanda à son mari, le plus naïvement du monde, ce qu'il comptait faire désormais d'une femme à qui il ne pourrait plus donner autant de chemises garnies de point d'Alençon qu'elle se permettrait d'en désirer. Un an après, Frédéric, plus ornementé que jamais, et portant fièrement son adultère sur l'oreille, quittait son mari ruiné et failli et venait commencer à Paris sa campagne de France, armé de ses cheveux d'un blond tout septentrional, de ses yeux d'un bleu polaire, de son insensibilité à toute épreuve et muni de son contrat, ce qui lui permettait de dire 3 fois par jour: N'oubliez pas, je vous prie, que vous parlez à une femme mariée. La mort de ce mari, survenue à quelque temps de là, l'avait laissé dans une détresse momentanée, qui l'avait obligée à des capitulations d'ordre divers. Elle y avait puisé du moins une confiance sans limite dans cette force inconnue qui lui permettait de jouer tous les sentiments sans se laisser entamer par aucun. Un pape polonais, dansé en costume national, dans un bal donné par Esther, l'avait mise en relief au point que 2 mois n'avaient pas passé sur cette Varsoviana que Frédérique était à la fois couverte de diamants et de dettes. Elle était installée à Paris depuis 6 ans et en avait à peu près 25. Lorsque Esther songea à l'intéresser dans la trame ourdie contre le bonheur de Geneviève. Les deux femmes ne s'étaient pas vues depuis environ 1 an. Elles s'attendrirent, s'appelèrent ma chérie, mon trésor, mon bon chat. Frédéric jura à Esther qu'elle n'avait jamais trouvé si jeune. Esther, qui, depuis 35 ans, appelait mon trésor des femmes qu'elle ne pouvait pas souffrir, savait à quoi s'en tenir sur les démonstrations de la marmoréenne Frédéric et mit promptement une digue à ce débordement de sympathie. En voilà assez, dit-elle, tout à coup. J'ai à te parler à faire. Que penserais-tu de 20 000 francs? Ah, ma chère, ce serait Mars en carême. J'ai été indignement quittée il y a 15 jours. Je te compterai ça. Esther lui développa alors la combinaison. Il s'agissait d'enlever un fils de famille avec l'assentiment du père et de le rendre au bout de 3 mois radicalement guéri d'un amour inquiétant pour tout le monde. Je ferai de mon mieux. Où est-il, ce jeune homme? Voilà, le difficile est de le rencontrer. D'autant que j'ai trouvé un chef-d'œuvre pour le séparer de celle qu'il cherche depuis 15 jours. C'est de le faire arrêter par la police dans la chambre même où elle lui aura écrit d'aller l'attendre. Très bien, mais où cette comédie nous mène-t-elle? D'abord, elle nous met à l'abri d'une entrevue. Ensuite, elle laisse supposer au jeune homme que s'il est en prison, c'est à sa maîtresse qu'il le doit. Eh bien, et moi, qu'est-ce que je deviens? Toi, j'ai pensé à une chose. Tu te fais sa dame blanche d'Avenel. Tu les défends contre les pièges de méchants. Tu le protèges comme une sœur. Et à sa première sortie, il ne peut pas moins faire que de t'adorer. Esther dressa alors pour Frédéric les plans, coupes et élévations de l'édifice à élever entre Max et Geneviève, en laissant à l'intelligence de son ami le soin de modifier les détails et de parer à l'imprévu. Au reste, pour tes 20 000 francs, tu n'es pas autrement malheureuse, avait ajouté Esther. Tu sais que le jeune homme est charmant, très spirituel, et d'un comme il faut. Si tu t'imagines que ces questions-là me touchent, avait répondu Frédéric, je l'aimerais mieux bête et commun avec 5 000 francs de plus. Et elle s'était quittée en s'embrassant à pleines joues. Esther, toutes ses dispositions prises, alla faire chez elle sa veille d'Austerlitz. Tandis que Geneviève, brisée par la fatigue de sa première sortie, anéantie par la joie, terrassée par l'émotion, rentrait chez Clémentine en se faisant aussi petite, aussi inaperçue que possible, et résolue à confier silencieusement dans son rêve jusqu'à l'heure prochaine où il prendrait un corps. Eh bien, et ce couvent? Demanda la jeune artiste. Je dois revoir Madame du Corroy demain soir, répondit simplement Geneviève. Elle partagea sa nuit entre l'image de Max et celle de la jeune fille de la baronne, dont le fiancé avait été tué en duel. Elle ne pouvait penser au premier sans se reprocher de négliger la seconde. Ai-je été assez indifférente et assez glaciale quand elle me parlait de son enfant, se disait-elle. Elle doit m'avoir trouvé bien sans cœur. Je la plains cependant sincèrement, cette pauvre et sainte demoiselle. Mais j'étais comme une égarée. Les paroles glissaient sur moi. Je ne voyais que Max. Est-ce malheureux d'être faite comme ça? Le lendemain, vers 7 heures, Geneviève rentrait chez Esther, qui lui parut encore plus mère de famille que l'avant-veille. Si par hasard il ne pouvait pas venir, fit observer Geneviève, dont l'imagination commença à travailler dès qu'elle fut installée dans la voiture avec son chaperon. Soyez sûr, en tout cas, que les obstacles ne viendront pas de lui. Il va peut-être vouloir m'embrasser. Dois-je le laisser faire? Est-ce que vous avez quelque répugnance à lui tendre votre front? Non, oh non, qu'au contraire. Seulement, c'est à cause de vous. Laissez-vous embrasser alors, je fermerai les yeux. Et s'il me dit, à ton tour, embrasse-moi, pour me prouver que tu ne m'en veux plus, eh bien, vous l'embrasserez à votre tour. Je puis tout vous dire, à vous qui êtes si bonne. Savez-vous ce qui me tourmente le plus? Non, je l'ignore. C'est que, dans ma lettre, je l'ai appelé monsieur. Bah, une fois votre mari, il vous appellera madame. Ce sera sa vengeance. Est-ce que nous sommes bientôt arrivés? Avant 10 minutes, vous pourrez me le présenter. Josiane n'entendit pas que la voiture fut complètement arrêtée pour tourner de ses doigts impatients le bouton de la portière et s'élancer au milieu de la chaussée, car plusieurs autres fiacres obstruaient l'accès. Elle tendit la main à Esther, qu'elle entraîna plutôt qu'elle ne la fit descendre, et voulut, à toute force, passer sous la tête d'un des chevaux rangés devant la porte numéro 45, afin de se voir plus vite dans la même maison que Max. Esther, prudente comme on l'est à son âge, eut toutes les peines du monde à l'obliger à faire un détour qui leur épargna à toutes deux le danger de se faire écraser. La jeune fille marcha avec une telle résolution jusqu'à la loge du concierge qu'elle ne vit pas ce que l'œil d'orfraie de la vieille Esther remarqua immédiatement, c'est-à-dire un va-et-vient significatif entre les voitures et le numéro 45. Au moment où les deux femmes essayaient de traverser, un groupe d'hommes vêtus de noir, qui ondulaient sous la porte, d'une voix précipitée leur cria: « N'entrez pas, mesdames, on arrête dans la maison. » On arrête? Qui donc? Pourquoi donc? Fit Esther. Veuillez nous laisser passer, nous avons affaire au troisième. Mais c'est précisément au troisième que se fait la perquisition, répliqua un des hommes noirs en station aux abords de la souricière. Ah, mon Dieu! Et Max, s'écria Geneviève, cet homme se trompe, suivez-moi, dit Esther, qui, saisissant la jeune fille par le bras, se glissa avec elle jusqu'à la loge du portier, entre les rangs des agents placés en observation. Le portier, pâle comme un mort et tremblant d'être emballé, raconta alors, avec une entière bonne foi, que le prétendu syndicat des grévistes fondeurs, qui se réunissait dans la maison tous les samedis, était une société secrète dont le chef venait d'arriver de Londres, muni de 500 000 francs en banknotes. C'est lui qui avait été arrêté le premier. Et vous l'avez vu? Demanda Geneviève haletante. C'est moi-même qui l'ai introduit. Un autre chef du complot, un vieux, était venu dans la journée m'avertir que si son ami arrivait le premier, on le priait d'attendre les autres. Et il est vieux aussi, n'est-ce pas? Il est tout jeune, au contraire. Grand, blond, il a tout à fait l'air d'un Anglais. C'est lui, c'est Max. Que va-t-on en faire? Où est-il? Dites-moi donc où il est, répéta Geneviève hors d'elle. Où il est? Il est parti entre deux agents, dans un fiacre, répondit le portier. Depuis un quart d'heure, on a déjà pincé trois autres de ses complices. Vous êtes bien sûr, dit Esther à Geneviève, que M. Max ne s'est jamais occupé de politique? Lui, madame? Oh, jamais! Il est si honnête, si incapable de faire le moindre tort à qui que ce soit, répliqua Geneviève, ne sachant pas au juste si s'occuper de politique ou voler des couverts d'argent n'était pas un peu la même chose. En ce cas, ne nous effrayons pas outre mesure, reprit Esther. Il est sans doute victime de quelque erreur, de quelque dénonciation peut-être. Oh, madame, qui aurait pu le dénoncer? Il est si bon. Les bons ont quelquefois plus d'ennemis que les mauvais. Enfin, venez, demain nous éclaircirons cette aventure. C'est cela, et quand je devrais aller moi-même trouver son père. Esther fit remonter dans la voiture sa jeune compagne, en proie à un désespoir tellement profond que sa tête resta, aussi longtemps que dura la route, inclinée sur sa poitrine, sans qu'elle adressât à Esther une seule parole et un seul regard. Madame, dit-elle à Esther, seulement lorsque le cocher sonna à la porte cochère de la maison de la rue d'Antin, puisque nous devons partir demain, dès le matin, pour aller à sa recherche, je voudrais bien ne pas vous quitter jusqu'à ce que nous l'ayons retrouvé. Comment donc, mon enfant? Votre proposition m'est très agréable, répondit Esther, qui n'était pas fâchée de l'avoir ainsi sous la main, ce qui lui permettait de diriger ses moindres démarches. J'ai trois lits dans mon appartement, vous en prendrez un, et je m'imaginerai encore être avec ma fille. La nuit fut terrible. Depuis l'instant où elle avait écrit à Max sous la dictée d'Esther, jusqu'à l'heure où elle était descendue, rue Saint-Maur, pour Popincourt, la vie chez Geneviève avait été à peu près suspendue. La presque certitude de revoir celui de qui un serrement de main, un baiser sur le cou, avait le pouvoir, non pas seulement de l'émouvoir, mais de l'incendier, l'espérance de revenir appuyée sur son bras chéri, avait transporté cette âme brûlante dans des régions translunaires, d'où elle retombait comme foudroyée. Elle s'accusait mentalement d'avoir provoqué ce rendez-vous, dont l'issue, qui devait être si heureuse, avait été si fatale. Elle voyait passer devant ses yeux fermés, mais pleins de lueur, des fantômes de sbires, s'agitaient des chaînes et s'entr'ouvrirent d'épaisses murailles de prison. Elle se figurait tous les établissements pénitentiaires modelés sur le cachot de Buridan. Vers 2 heures du matin, Esther, qui ronflait dans la chambre d'à côté, fut éveillée en sursaut par les appels réitérés de Geneviève. Qu'y a-t-il? Que demandez-vous? Dit la noble amie de Frédéric en déboulant de son lit et en cherchant ses pantoufles. Madame, reprit Geneviève quand elle la sentit auprès d'elle, jurez-moi qu'on ne peut pas le guillotiner. Lorsqu'elle se leva le lendemain pour partir à la découverte, elle apprit par la domestique qu'Esther était déjà partie, la devançant probablement dans cette intention. Elle attendit dans un état presque convulsif son retour, qui n'eut lieu qu'à 11 heures du matin. Eh bien, demanda Geneviève en allant devant elle. Impossible à qui que ce soit de le voir, pas même à son père, répondit Esther, en se jetant sur un divan, comme une femme harassée. Il est au secret le plus absolu. L'affaire est plus grave que nous le supposions. Mais puisqu'il est innocent, en politique, on n'est jamais innocent. Les gouvernements condamnent quand ils ont besoin de condamner. Et puis voilà. Geneviève rentra dans sa chambre, plus morte qu'une vestale sur le point d'être enterrée vivante. Le premier objet qui frappa ses yeux troublés fut une lettre formée à ministre, placée très en vue sur la table à ouvrage que lui avait allouée Esther. La souscription portait à Mademoiselle Geneviève. Et en encre bleue, vers l'angle de gauche, le cachet de la préfecture de police. Cette lettre est de lui. On lui a permis de m'écrire, fut sa première impression. Elle déchira dans toute sa longueur l'enveloppe, tout s'échappa à un papier qui se déplia en tombant. C'était un billet de banque de 1 000 francs. La lettre était ainsi conçue. Mademoiselle, monsieur le préfet vous adresse tous ses remerciements pour le concours patriotique que vous avez prêté à la justice dans l'affaire délicate dont elle est actuellement saisie. Il me charge de vous transmettre, avec ses félicitations, cette marque de sa reconnaissance. Veuillez agréer, mademoiselle, l'assurance de ma parfaite considération. Le chef du bureau de la sûreté, signature illisible. Ah, mon Dieu! Qu'est-ce que c'est ça? S'écria Geneviève en marchant sur le billet comme pour l'écraser. Quoi donc? Fit Esther, arrivant au cri de la jeune fille. Voyez, madame, on m'envoie 1 000 francs. Je ne sais pas pourquoi, je n'en veux pas. Dieu, quelle infamie! C'est clair, reprit Esther, après avoir lu la lettre que lui rendait Geneviève. On aura saisi sur Monsieur Max le mot que vous lui avez écrit, et on se figure là-bas que vous êtes en cause lors de l'arrestation de toute la bande. Moi, cause d'une arrestation? Oh, par exemple, mais c'est épouvantable. Le plus fâcheux de l'aventure, c'est que votre fiancé va naturellement supposer qu'il vous doit son emprisonnement. Lui? Max? Croirait que c'est moi? Ah, c'est trop, dit Geneviève en tombant comme une masse dans un fauteuil. Un peu d'énergie, mon enfant. La vérité, ne l'oubliez pas, finit toujours par éclater, dit Esther avec mansuétude. Mais, demanda Geneviève, s'attachant à la possibilité de quelque erreur incompréhensible, comment la lettre que je viens de recevoir a-t-elle pu me parvenir ici? Je n'y suis que depuis hier soir. On l'a remise tout à l'heure à la bonne. Est-ce que la police ne sait pas tout ce qui se passe dans Paris? C'est vrai, fit innocente. Mais jamais Max ne pourra croire que j'ai essayé de lui faire de la peine. Il sait bien que je n'aime que lui au monde. Il s'imaginera peut-être que vous avez voulu vous venger. S'il croit cela, alors c'est fini, murmura Geneviève, qui, se sentant défaillir, se retint au bras d'Esther pour ne pas glisser sur le parquet. Celle-ci déboucha un flacon de sels anglais qu'elle lui fit respirer. Je voudrais me recoucher un peu, dit Geneviève, quand elle rouvrit les yeux. Je me sens tout drôle. Esther appela la bonne qui aida la jeune fille à se mettre au lit. À ce moment, un coup de sonnette résonna dans l'appartement. Et Esther, voyant la domestique occupée, alla ouvrir elle-même. C'était le docteur Ouzelot qui venait d'apprendre l'incarcération de son fils et était accouru chez Esther sans désemparer. C'est moi qui ai tout fait, lui dit-elle. Retournez chez vous et ne vous occupez de rien. Votre Max en a pour une quinzaine au maximum. Oui, mais c'est Geneviève, demanda Ouzelot. Ça, Geneviève laissera tranquille pour quelque temps. Cette fois-ci, je crois que la colombe en a dans l'aile. Fin.